Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 23. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa mittabahum bil ihsan yawm al-din amma ba'd. Là on rentre dans le ders thalis wa ishroun. C'est un ders qui est simple, alhamdoulilah. Donc on va lire et tadhakkara makan al-tullab, tadhakkara makan al-mudarris. طيب. تفضل. جعفر. أين المدرسون؟ لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. Donc Jafar le dit, où sont les enseignants? Ils ne sont ni en dans la classe et ils ne sont ni dans la pièce des enseignants. Adnan, أظن أنهم في اجتماع. أرأيت المدرسين الجدد؟ Donc Adnan dit, je pense qu'ils sont en réunion, اجتماع c'est des réunions. Est-ce que tu as vu les nouveaux enseignants? أجاء المدرسون الجدد؟ Jafar le dit, est-ce que les nouveaux enseignants sont venus? نعم Adnan. نعم. جاء خمسة مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل. اسمه الحسين بن الحسن. Donc Adnan dit oui. Sont venus cinq nouveaux enseignants. J'ai vu l'un d'entre eux dans la bibliothèque il y a peu de temps. Il s'appelle, son nom est Al-Hussein ibn al-Hassan, fils de Hassan. Il est trouvé l'un des mudarrisin al-judud. Donc l'un des enseignants nouveaux rentre. Et il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ نعم c'est connu par entendu يقول المدرس أشكركم يا إخوان كم طالبا في فصلكم هذا donc il dit je vous remercie ou les frères combien d'étudiants dans votre classe فيه 30 طالبا il y a 30 étudiants المدرس يقول ولكنني أرى 25 طالبا فقط فأين الآخرون dit cependant moi je vois 25 étudiants seulement. Où sont les autres? Ils sont absents aujourd'hui. Dans le siècle. Aya kitabin takara'una. Quel livre êtes-vous en train de lire? Naam. Adnan. Adnan. Nakrahu hadha al-kitaba ismuhu qisas an-nabiyyin. Donc il dit nous lisons ce livre qui s'appelle Les contes des prophètes. Dans le siècle. L'iman huwa, de qui est-il? هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. Donc il dit il est pour son éminence le cheikh Abu al-Hassan al-Nadawi. Dans les siècles. كم صفحة قرأتم فيه؟ Combien de pages avez-vous lu dedans? جعفر قرأنا 53 صفحة. Il dit nous avons lu 53 pages. عدنان الكتاب فيه 90 صفحة قرأنا منها 53 صفحة فبقي 37 صفحة. Donc Adnan dit le livre contient 90 pages. Nous avons lu nous en avons lu 53 pages et les restes 37 pages. Harun. Harun. ما أجمل حقيبة يا حقيبتك يا أستاذ. بكم اشتريتها؟ Donc Harun dit comme ta sacoche est belle au professeur. Combien as-tu acheté? Dans يقول يقول اشتريتها ب 80 ريالا. Tu l'as acheté par de 80 ريال. Pour 80 ريال. نعم هاشم. هاشم نعم. انا اشتريت بمثلها ب 70 ريالا. Donc il dit moi je l'ai acheté, j'ai acheté la même pour 70 ريال. Amr أنا اشتريت حقيبة أصغر منها بستين ريالا. نعم. عمر دي j'ai acheté une petite sacoche, une sacoche plus petite que celle-ci pour 60 ريال. نعم. الأسئلة إن شاء الله اللي غادي. Donc maintenant il va te faire comprendre déjà مذكر سالم lorsqu'il est marfou comment il est, lorsqu'il est mansoub comment il est, lorsqu'il est majrour comment il est. C'est quoi le signe de son arabe? Donc c'est facile. Très facile. Quand il est marfou, c'est comment? C'est avec un waouh.

للمدرسين. Donc là il est majrour à cause du lam harf jar wa alamat jarri al ya. Dakhala 20 taliban. Il est où le fa'il là? Aina dakhala 20 taliban. 20 étudiants sont rentrés. C'est pas taliban. Donc les marfou, il prend les, comme je dis, il prend les mêmes règles que le Jamzakar Salim. Donc les marfou, ou alamat rafi, al waou. Et taliban, c'est un tamiz. Taliban, c'est un tamiz. Sa'altu 20 taliban. J'ai interrogé 20 étudiants. Donc là, 20, il est maful bihi, mansoub, ou alamat nasb bihi, al ya. Qultu li 20 taliban. J'ai dit à 20 étudiants. Donc là, 20, il est majrour à cause du lem, harf jar, ou alamat jarri. Elle, il y a. Taïeb. Ma foum, là. Ça dit, ça nous dit. Akmil al jumal atiata bi wad al kalimati lati bina kousein fi amakin la khaliya. Donc il dit quoi? Tu mets des mots qui entre parenthèses dans les trous. Mathalen, ça elle tout, elle moudorrissina. A la base, ça avait moudorrissoun entre parenthèses. Donc là, ils ont mis quoi moudorrissim? Et tu mets que l'irlob, la vraie irlob qui correspond. Toi, donne, jumal ou là. Et il traduit l'inchallah, si tu peux. Bien. يحب المدرس الطلاب المجتهدين نعم احسنت دونك لو بروفيسور ام لي زيليف سيو نعم pourquoi la mujtahidin il est en dessous pourquoi سنات نعم سنات الطلاب كي لي ما فول بي احسنت ثانيا نعم رايت 30 طالبا نعم يعني جي في 30 طالب pourquoi les mansoub parce que c'est mansoub parce qu'il est مفعول به احسنت ثالثا يعني يحب الله المسلمين يحب الله نعم المسلمين نعم هل تشبنسي كي جابي ديها نعم نعم يحب الله المسلمين ايه جابي ديها دلوان وكو المسلمين اللي منصوب لسه مفعول به احسنت رابعا يعني قرأت 50 صفحة j'ai lu 50 pages faut pas dire صفحة ou tu dis 50 صفحة أو صفحتان شو بدي صفحتا بس كيف هذا ألف صوت مربوطة نعم ممكن تدي صفحة أو صفحتان هيك التنوين جاي تمام صفحتان تدي تعرف على الألف كيف يعمل كي يبغى ألف تنوين ملاك صوت مربوطة ما بخاف طيب خامسا سألت المهندسين نعم مهندسين منصوب بقى بس كيف سامحهم بي طيب سابعا تأمل المثال ثم أضيف الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين قوسين. Donc là, il veut que tu fasses quoi? Un modof, modof ilay. Et les mots qui sont entre parenthèses, tu les mets modof ilay. Par exemple, il dit Abna al mudarris. Donc là, Abna il est modof, et mudarris il est modof ilay, donc il est majrour. Si tu mets avec le djem mudakar salim, tu vas dire quoi? Abna al mudarrisina. Là, il est majrour parce qu'il est modof ilay. Taïb, jumal oula. Bouyout, entre parenthèses, muhandisoun. Comment tu dis? بيوت المهندسين. نعم, les maisons des ingénieurs. سيارات المدرسون. سيارات المدرسين. نعم, les voitures des enseignants. أمير المؤمنون. Comment tu dis? أمير المؤمنين. نعم, le chef des croyants. إمام المسلمون. إمام المسلمين. نعم, l'imam des musulmans ou le guide ou le chef, ça peut être aussi le chef, le gouverneur. خامسا دكاكين البقالون دكاكين البقالين نعم البوتيك دي زبيسيه دينو الكافرون دينو الكافرين نعم طيب ثامنا تأمل المثال ثم أكمل الجملة الآتية بوضع الكلمات التي بين قوسين في الفراغات donc là pareil il veut que tu mettes les mots qui sont entre parenthèses dans les trous مثلا dit قلت للمدرسي donc là المدرسي va être quoi majrour à cause du lam. Et là, il le rend quoi en djemouzakar salim, donc tu veux dire quoi? Kultu il mudarrisina. Donc là, il est majrour, wa alamat jarri, alia. Tfaddal el jumal oula. Abhathu ani il mudarrisin. Non, je cherche les professeurs. Ishtaraytu hadha al kitab bi 50 riyala. Non, j'ai acheté ce livre pour 50 riyal. Kultu lil muhandisin. J'ai dit aux ingénieurs. سمعت هذا الخبر من المدرسين. J'ai entendu cette information des professeurs.

Féminin, tu veux dire quoi? Ihda ou Aishrouna Talibatan, par exemple. 21 étudiantes. Donc lui va être féminin comme le dénombré. Dénombré, c'est Mardoud, c'est Talibah. Donc lui va être Ihda ou Aishrouna Talibatan. Tu dis Isnatan ou Aishrouna Talibatan pour dire 22 étudiantes. Tu dis pas Isnan, tu dis Isnatan. Isnatan, c'est le féminin ou Isnan, c'est le masculin. Tu dis Falafun, bitanwin, ou Aishuruna Talibatan. Donc là, Falaf, il est quoi? En apparence, Muzakkar. Pourquoi? Parce que Taliba, il est moins neuf. Donc là, on reprend les règles du début. Il va le contredire. Et vice versa, hein. Ça aurait été des. Voilà, ça aurait été masculin et lui, il aurait été féminin. Par exemple, tu aurais dit Falafatuna ou Aishuruna Taliban. Ça aurait été le contraire. Ça, ils vont préciser, hein, parler, non? Après, ils vont, dans le prochain verset, ils vont le mettre. Après, ils disent quoi? Arbaoun ou Aishuruna Talibatan. 24 étudiantes. Khamsun ou Aishuruna Talibatan, 25 étudiantes. Setun ou Aishuruna Talibatan, 26 étudiantes. Sab'un ou Aishuruna Talibatan, 27 étudiantes. Samani ou Aishuruna Talibatan, 28 étudiantes. Tis'un ou Aishuruna Talibatan, 29 étudiantes. Salasuna Talibatan, 30 étudiantes. Et quand il est rond, tout seul, il n'y a pas de différence. Muzakkar Mu'annas, il y a ce pareil. Aishurun, Salasun, Arba'un, Khamsun, ainsi de suite. Donc maintenant, il va vouloir quoi? Il dit, Hadashar, Ikrama yali, summaktubuhu, ma kitabatil ardad, el walida, fi bil huruf. Donc là, tu vas faire comme le précédent, sauf que là, tu vas prononcer. Et attention au tanwin. Taïeb. Jumal oula, faddal. De toute façon, ils sont tous féminins, je crois. Donc. Fi hada fasli, ihda wa thalathuna talibata. Non, dans cette classe, il y a 31 étudiants. Fanyan, celui qui est à côté. Filium. Filium, Arbaoun. Arbaoun, Aishroun, Asa'atan. Non, dans la journée, il y a 24 heures. Andi. Andi, Salatun, Salatuna. Robu. Robiyatan. Non. Wahamsun, Wahamsun, Arbaoun, Rialan. Non. Mais Rial, je ne sais pas s'il est. Apparemment, il veut le mettre féminin, je ne sais pas comment il était féminin à Rial. Inch'Allah. Rabi'an, il dit, ah ouais, j'ai 33 roupies et 45 Rial. Il y a un œil. Quelqu'un, non? Non. Ra'aytuhu qabla. Qabla itnatayn. Qabla itnatayn. Hein? Qabla itnatayn. Là, si tu vois, Sil. Tu fais la raison, tu dis Qobla Snatain. C'est tu t'arrêtes Qobla Snatain. Qobla Snatain ou Aishrina Sanatan. Non. Je l'ai vu il y a 22 ans. Hafistu Sittun ou Sittun ou Sittina Suratan. Là. Où j'en ai fait. Hein? Voici. Là. Comment ça? Hafistu. Hafistu, aïe voir. J'ai dit. Sittin. Qobla Hada. Quoi? Hafistu. Hafistu. Hafistu. Allez voir. Pourquoi c'est quoi l'erreur que j'ai dit? Sitan ou Sittina Sura. Hein? Là, il va être ma folle bille. Donc il va être en soub. C'est fini là. Il est plus ma foi. Hafistu. Sitan. Ah, ou Sittina Sura. Ah, tu parlais Sura là, c'est là où j'ai fait. Non. Tu l'as mis ma foi, toi. Là, il m'a folle bille maintenant. Non, j'ai dit Sittun ou Sittin. Ah ben, c'est ça que je t'ai dit. Je dis pas si tout le monde, je dis si ten ou si ten. Des morceaux, avec une fatha. Ah, la kabbalah. Avec une dhamma. Oui. T'as aimé? Si ten, là, tu parlais sur si ten. Aïe, ouais. Si ten ou si ten, sourate. Je ne l'ai pas fait, hein. Tu as dit si tout. Avec une. Si ten, non, non, si tout. Non, le premier. Le premier, t'as dit, t'as mis marfou avec une dhamma. Voilà. Donc c'est si ten. Mais je ne suis pas plongé dans le deuxième. Si ten ou si ten, sourate. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Non, fi sourate Rahman. Puis Surat al-Rahman, à chaque fois je les confonds. Là. Bah, c'est le 8 ou le 7 78. Ouais, puis Surat al-Rahman, Femanin. Non. Hein? Ou c'est Baoun? Non. Ayatan? Non, dans Surat al-Rahman, il y a 78 versets. Qara'tu. Qara'tu. 90.